Rebonjour à tous, et aujourd'hui on est le 7 Iyar 5774, et ce cours est pour les Lounishma de Rosalie Batourida, et de la Rifouachelema de Yael Bat Rosalie, et de la Rifouachelema de Nissim Ben Aviva, Bezat Hashem, et de Kol Cholé Amo Israël, Bezat Hashem. Et on continue le cours numéro 2 sur le Mahamar concernant du Admon Zaken dans le Chassid Mevoret concernant Usfartem Lachem Mimacharat HaShabbat Miyom Aviyachem Et Omer HaTenufa Sheva Shabbatot Vechule Vechule. Donc on avait expliqué hier, pour faire un petit récapitulatif rapide, concernant le Omer, qu'est-ce que c'était le Omer. C'était une offrande qu'on amenait, c'était la première récolte du nouveau blé qu'on amenait et qu'on faisait brûler, qu'on donnait une partie à manger au Kohanim pour pouvoir permettre aux Béné Israël de manger la nouvelle récolte. Et cela se passait juste après le deuxième jour de Pessah. Concernant la Sfirat Omer, pourquoi 49 jours? Maintenant on va un peu expliquer après, mais on a commencé déjà à expliquer hier. C'était quoi, ça correspondait à quoi ces 49 jours? Ces 49 jours, ça correspondait au, comme Akash Boku il a demandé, 7 Shabbatot. 7 Shabbatot, donc 7 fois 7 semaines, donc ça veut dire 49. Et on avait expliqué la particularité de ces 49. On avait expliqué, c'était les 7 attributs, les 7 traits de caractère qui font partie du Olam Hayetzira, qui sont Chesed, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Sod. Ça. Non, il y a 6 plus 7, et Malchut, excusez-moi, et le Malchut pour finir. Et donc l'Olam Asiya aussi. Donc les deux de ces deux mondes. On avait expliqué aussi, c'était quoi, Usfartem Lachem, et vous compterez pour vous, en fait, il expliquait que Usfartem, ça vient du mot Sphira, ce qui veut dire le mot saphir, la pierre précieuse qui représente le saphir. Et pour vous, Lachem, pour vous, ça voulait dire qu'on devait réparer chaque jour une mida, un trait de caractère spécifique à la journée qu'on compte, et pour pouvoir nous-mêmes s'illuminer, se rendre un peu plus pur, un peu tout petit peu plus avant l'arrivée de la Torah, et pour pouvoir accueillir la Torah comme il se doit. Et aussi on avait expliqué, qu'est-ce qu'on avait expliqué d'autre? On avait expliqué oui aussi que tout ce travail-là se faisait dans ce monde ici. En s'élevant, en s'illuminant, donc ça vient du mot meirut, donc de s'illuminer, pour pouvoir aussi, Bezat Hashem, aussi illuminer les autres. Quand nous on est une lumière, on peut illuminer d'autres personnes, d'autres neshamot aussi. Maintenant, je vais rajouter une petite parenthèse qu'on n'avait pas dit. Pourquoi le mot usfartem, qui représente le sphira, qui veut dire sphira en hébreu, qui en fait la racine Sefer Sfira, et qui veut dire que l'Admon HaZaken qui a expliqué dans le Chassid Mevoret concernant ça, ce mot-là, que ça voulait dire aussi, ça représentait la pierre précieuse qui représente le saphir. Alors pour le saphir, ici il explique une chose très intéressante, dans un petit biour là, dans une petite explication, concernant le mot Sfira. Sfira, ça veut dire saphir. Quelle particularité, pourquoi on a choisi le saphir et pas un diamant ou quelque chose comme ça? Ça, on aurait pu choisir autre chose. Non, en fait, le mot sphira, le mot saphir, il a une particularité. Cette pierre, quand elle est traversée par la lumière, elle brille de telle façon à ce qu'elle émet, si on regarde de l'autre côté de ce saphir-là, elle émet une combinaison de lumière, différente l'une de l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que chaque mida, chaque trait de caractère, comment on peut nous expliquer ça pour nous, pour notre travail envers la Voudat Hashem, envers le travail d'Hashem, c'est que nous aussi, on a des traits de caractère qui sont différents l'un de l'autre, et c'est pour ça qu'il faut travailler chaque trait de caractère. Mais la ma'out, l'essence même de cette lumière, elle est divine. Et donc, c'est à nous de la prendre et de la raffiner dans le sens où elle est déjà raffinée, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est à nous de travailler sur nos traits de caractère pour pouvoir s'approcher de cette perfection là. Et donc c'est ça l'avantage, c'est pour ça qu'il a fait allusion au saphir. Et exactement aussi, le saphir, il laisse passer la lumière à travers lui. Voyons voir qu'est-ce qu'il veut dire ici. Shiochal lekabel mekabel kar nemaala ou bien d'avoir shavashar asfirot she'en asara kochot mukdarim en lahem erer le'ir sof asmo ou apashutam ve'betachlit apashutot mikol makom alide eser asfirot nimshav ve'or en sof ba'uchu. Donc voilà, c'est ça dans l'explication qu'il voulait dire. Un instant. Donc, on a bien compris. Maintenant, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait parlé aussi hier? On avait dit que concernant quelle différence il y avait entre le Chag HaPessah, qui veut dire la sortie de Mitzrayim, et le Chag HaShavuot, la fête de Shavuot, là où on reçoit la Torah. Une petite parenthèse encore. Pourquoi 49? On avait expliqué hier que les Béni Israël, quand ils sont sortis de Mitzrayim, ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à compter les nombres de jours qui passaient jusqu'à qu'ils soient arrivés à 49 jours au don de la Torah. On avait expliqué que toujours on compte pourquoi on avait compté en augmentant et pas en redescendant, c'était pour pouvoir s'élever plus. Chaque jour, on monte une marche de plus. Au lieu de compter inversement, c'est-à-dire en redescendant. Et une autre explication aussi, pourquoi? C'était une explication très intéressante, c'est qu'en fait, les Béni Israël, on avait dit que Hachem lui-même, dans la Gada, on dit quoi? C'est Hachem lui-même, Be'atzmo, Be'zroa Netuya, de sa main étendue, il vient et il nous, de son bras étendu, il vient et il nous a sortis d'Égypte. Pas un malar, pas un ange, pas personne d'autre sauf lui. C'était juste Akadosh Baruch Hu lui-même qui est descendu nous chercher. Pourquoi? Donc ça a trait justement à ce qu'on vient d'expliquer au cours précédent, concernant les 49 attributs, les 49 traits de caractère, qui sont, comme on a expliqué dans le cours précédent, que on était descendu tellement bas, le peuple d'Israël était descendu, les Béné Israël, on était descendu tellement bas dans le mal, que si on arrivait à passer, si encore on passait un peu plus que de temps, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir très très vite. On dit, Bechipazon, Yatsanu, avec empressement, on est vite sorti de Mitzrayim. Pourquoi? Là-bas, dans le Midrash, là-bas, dans le Ora Chaim, il explique qu'en fait, il nous a fait sortir 2 ans plus tôt. Pourquoi? Parce que s'il nous avait laissé 2 ans encore, on aurait passé le 50 degrés de Touma, le secret, 50 degrés d'impureté qui représente là, on aurait impurifié l'amida de Bina, et là on n'aurait plus rien faire. Il n'aurait pas pu nous sauver, le monde aurait été détruit complètement. Chas v'shalom. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a vite sorti avant même qu'on arrive à tellement on était ancré dans l'impureté totale qu'il nous a vite fait sortir pour éviter ça. Donc c'est ça, c'est une explication. Maintenant, on va continuer. Alors, il explique. On reprend maintenant le deuxième cours et on continue le Ma'amar. Ah, quoi. Ve'la'avin zot, ine pesach ou yetziat mitzrayim ve'chaga shavuot hu matan Torah. Il dit voilà que Pessah c'est le Tziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, et la fête de Shavuot, ça c'est le don de la Torah. Vekodem kabbalat haTorah ve'ayu tzrichim lispor sheva Shavuot shlemot ve'acharkar ayu yecholim lekabel haTorah. Et il dit comme ça, et il dit après la sortie d'Égypte, on était obligé de compter 7 semaines complètes pour pouvoir recevoir la Torah, ou sinon on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Comment on explique? C'est très facile ça à comprendre, c'est que on donne souvent un exemple. Quelqu'un qui habite dans une grotte depuis sa naissance. Donc dans une grotte, on sait très bien que l'absence de lumière est pratiquement totale. Seulement maintenant, il arrive à un âge où il faut qu'il sorte de la grotte. Maintenant, si on le sort directement de la grotte, la lumière va l'aveugler, donc parce qu'elle est trop forte, l'intensité de lumière est trop forte, parce qu'il n'a pas été habitué. Il a grandi pratiquement toute sa jeunesse, son enfance, dans une grotte où il faisait de la pénombre ou carrément la noirceur totale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils expliquent, ils disent, on le monte doucement, ou on fait un petit trou dans le mur pour pouvoir laisser passer un petit peu de lumière, et doucement, on agrandit ce trou, et on agrandit, jusqu'à qu'on fait une porte, et jusqu'à qu'il sorte de cette grotte. pour pouvoir que ses yeux s'habituent. C'est exactement la même chose. Les Bnei Israël étaient dans un degré de touma, d'impureté, dans le sens où il n'y avait plus de Torah et Mitzvot, il n'y avait plus rien. On est arrivé à un niveau que, c'est-à-dire Brit Mila, des exemples comme ça, la Brit Mila, c'était pas obligatoire. C'est-à-dire, on avait complètement oublié qu'il fallait faire la Brit Mila. C'est-à-dire, à tel point, on était ancré dans notre impureté. Alors, c'est exactement la même chose. Il dit, c'est pour ça qu'il fallait compter 49 jours. 49 jours pour se purifier, c'est-à-dire pas pour se purifier physiquement, c'est-à-dire style on se trempe, on se nettoie, non. C'était pour justement, pour pouvoir prendre conscience qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu-là, il va nous donner quelque chose qui s'appelle la Torah, donc qui va nous aider à passer les épreuves de tout le reste de l'humanité, de tout le reste du temps qui reste pour l'humanité, etc., etc. Donc, on a, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait du chesed, en fait, il nous a fait un acte de bonté, il nous a permis de passer 49 jours et de s'arranger, de se purifier dans le sens de pouvoir recevoir la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il dit. Encore aussi, quand on dit Sheva, Shavuot, Shlemot, quand on dit cette semaine pleine, complète, c'est pour ça qu'il y a une halakha très intéressante, c'est que la septième semaine, la dernière semaine donc de la Sefirat HaOmer, il est très important de faire d'attendre la tombée de la nuit, la sortie des trois étoiles, pour pouvoir faire le Sefirat HaOmer final, qui est donc le soir de Shavuot, pour qu'on puisse accomplir la mitzvah qui a marqué Sheva Shavuot Shlemot, cette semaine complète. Parce que si on le fait, parce qu'en général, on a l'habitude, par exemple, avant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un minyan de 10 personnes dans la synagogue et on sait que les personnes, ils peuvent pas revenir ou ils habitent loin et que c'est compliqué d'avoir un minyan et tout, qu'est-ce qu'on fait? On fait mincha, on fait arvit plus tôt. Souvent, dans certaines, quand le Shabbat, il rentre tard, on avance arvit, on avance mincha et arvit, les kabbalah de Shabbat et l'entrée de Shabbat. Comme on va dire, si Shabbat il rentre à 10h, les gens ils vont pas venir à 10h. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fixe une heure avec le Kaal, avec les membres de la synagogue, pour pouvoir venir plus tôt. Ils viennent, comme par exemple, on va dire à 7h, ils font Mincha, ils font Kabbalat Shabbat, ils font Arvit, et après, ils font Sefirat HaOmer, mais il fait encore jour. C'est pas encore la tombée de la nuit. En général, on se débrouille pour que ils fassent Ben Hashmashot, c'est permis de faire la bracha, le Sefirat HaOmer avec bracha, parce que c'est un safek, c'est un doute. Ben Hashmashot, c'est un moment où c'est un doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit. Toute une discussion dans la Gemara sur ça. Mais on va pas rentrer dans ça maintenant. Donc, ça, on permet de faire la Sefirat HaOmer dans ce moment-là. Maintenant, si c'est trop tôt, on fait pas de Sefirat HaOmer, on fera le Sefirat HaOmer après, plus tard, durant les autres semaines. Mais la dernière semaine, la septième semaine, c'est très important d'attendre vraiment la sortie des trois étoiles et de faire comme il se doit la Sefirat HaOmer pour pouvoir accomplir ces trucs. Ça, c'était une petite parenthèse à l'arrique. Maintenant, on continue. Kedé lavin et atzorer be'ara zo she'al yede Sefirat HaOmer ve'achidush baze legabe agilouim aruchanim shel chag ha'pesach yesh le'agdim biur ha'ta'am ha'pnimi lekach chez Ben Yetziat Mitzrayim, Chag HaPesar, ou Matan Torah chez vous, Otsarir, Liot et Inyan Sefirat Sheva Shavuot. Et il explique, il dit que pour pouvoir comprendre cette particularité qu'on a, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Pessah et après juste Shavuot, il nous a pas donné tout en même temps, on va expliquer pourquoi. C'est parce que on va devoir expliquer quelque chose d'autre. Et il dit comme ça. Ah, bah, quelle différence entre Pessah, la fête de Pessah, et le don de la Torah? On avait besoin de 7 semaines pour pouvoir recevoir la Torah. Av shelo nitztavu betzetam bemitzrayim al sefirat HaOmer. Mikol makom ayu shiva shavuot metziat mitzrayim ad matan Torah keneged inyan mitzvat sefirat HaOmer. Ubaze piresh. Emor, dans Parashat Emor, Shama. Là-bas, mais voir chez Sefirat HaYamim, mitzatem mitumatam, mimitzrayim ad matan Torah. I kemu Sefirat HaNida, sheva yamim kodem shetaharat. Ta. Alors il dit exactement ce que j'expliquais juste avant, c'est que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut se purifier. Et donc, se purifier, ça prend 49 jours. 49 jours, c'est quoi? C'est 7 semaines. 7 fois 7, 49. Donc, les 7 semaines, il fait allusion ici, il explique, ça fait allusion, donc, comme il y a marqué dans la paracha des morts là-bas, c'était la paracha de la semaine dernière, qu'une femme qui est Nida, qui a donc ses menstruations, elle doit, après avoir fait tout le nécessaire pour vérifier si elle n'a plus d'écoulement, elle doit compter Sheva Yamim Nekim, les 7 jours de pureté. Et après ces 7 jours, elle va, qu'elle a compté qu'elle n'aura plus rien, elle va être pure, Taharat. Et alors à ce moment-là, elle pourra aller au Mikvé se tremper et elle pourra retourner avec son mari. Mais avant ça, elle ne pourra pas. Donc c'est le même principe pour la Torah. Quand on reçoit la Torah, il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut se purifier. Ou miser chez Akatouf, Talé et Chag Ashavuot, Zman Matan Toraten ou Bechag Apesar, Yetziat Mitzrayim, Shekviat Chag Ashavuot et Aliede Asfirat Arba Tesha, même tête Yom Mimacharat Apesar, Mouvan chez Pesar, Sfirat Matan Torah, M. Cher Echad, Vechativa Echad. Il dit comme ça, il dit que ne pense pas que la fête, la sortie d'Égypte, c'est une chose, et la fête de Shavuot, le don de la Torah, c'est une autre chose. Non, en fait, il explique que les deux sont une seule chose, une seule unité. Pourquoi? Parce que un ne peut pas marcher sans l'autre. C'est-à-dire, si on n'était pas sorti de Mitzrayim, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et si on reçoit pas la Torah, on n'aurait pas pu non plus sortir de Mitzrayim, si on peut expliquer ça comme ça, dans le sens que quoi? Que la raison pour laquelle qu'on est sorti de Mitzrayim, c'est la Torah. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir recevoir la Torah, comme on était impur pendant les 49e port de Touma, alors il faut se purifier pour pouvoir recevoir la Torah. Il continue. Et il dit qui inekti vachariut chatzon veshov chez les mala akol bebechinat chatzon veshov. Il explique ici, on va expliquer un concept de chassidut très intéressant et qui est en fait un klal, qui est une généralité qu'on va retrouver beaucoup de fois dans la chassidut, qui est chatzon veshov. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est chatzon veshov. Dans la prière du matin, avant le kriyat shema, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aofani, ve'achiot akodesh, etc., etc. Et il dit, ça c'est le chant des melachim, le chant des anges. Que quoi? On va expliquer maintenant dans le texte. La vinze, yesh l'agdim klal gadol, sha'kesher ben nivraim le'elokut, ve'chen le'ma'ala, achibur ben madrigot atachtonot le'madrigot a'elyonot yoter. Il dit, et ça, pour pouvoir comprendre ça, il faut qu'on commence un klal gadol, une grande généralité dans la chassidou, dans la Kabbalah, dans la Torah, que le lien qu'il y a entre les gens d'en bas, donc les Nivraim, les nous, et Hachem, qui se trouve en haut, ce chibour-là, cette connexion, ce lien, c'est en fait une madriga tartonat les madriga talionat yoter. C'est une connexion entre le haut et le bas. Comment ça marche? Ou bederer ratso veshov. Et ça s'appelle ratso veshov. Ratso veshov en hébreu, ça veut dire ratso. Ratz en général, quand on dit ratz en hébreu, ça veut dire courir. Ani ratz. Mais là, ici, ça veut dire ratso, ça veut dire je vais. Je vais à un endroit. Dans le sens où, en deux mots, je retourne à la source. Je retourne à ma source, ratso. On va traduire comme ça. Veshov, ça veut dire je reviens là où je suis. D'accord? Gardez ça en tête. Ratso, c'est je vais à la source. Et shov, je reviens d'où je viens, d'où je suis parti. Vekemo, chez Amar, Bemaase, Merkava, Yecheskel, comme c'est marqué dans le Maase, de Merkava, Merkavat Yecheskel, là-bas, dans Yecheskel, il y a marqué quoi? Veachayot, Ratso, Veshov. Vachayut chatzo veshov. Et il dit là-bas, et les chayot, les animaux, les chayot en fait c'est les vivants, mais dans quel sens? Chatzo veshov, là-bas on parle des melachim, on parle des anges, qui servent Hachem. Ratso Veshov, ils vont à la source et ils reviennent. Ratso Veshov, les filles pshuto. Et ça, le mot Ratso Veshov, c'est vraiment comme il est dit, comment il est traduit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ils vont à la source et ils reviennent. Mashma'u ine ve ine. Ça, c'est vraiment ça et ça. C'est-à-dire ils vont et ils viennent. On va essayer de comprendre, parce que là, ça a un peu. Et l'or veshov, ils vont et ils reviennent. Beruchaniut ha'inyanim mevoach. Et dans cette ruchaniut, dans cette spiritualité de la chose, on va expliquer. Sheachayot bepasuk. Shebepasuk, sheem amelachim. Ah oui. Sheachayot bepasuk, le chayot qu'on explique là-bas dans le pasuk, dans le verset. Eux, ça veut dire quoi? Eux, ces chayot-là, c'est des melachim, c'est des anges, qui, aelyonim, qui sont au-dessus, qui servent Hachem. Vekemo sheomrim, ve'ofanim, ve'achayot ha-kodesh. Ve'ofanim, ve'achayot ha-kodesh. Ça, c'est les noms des melachim. Ve'ofanim, c'est toutes des groupes. Ve'ofanim, c'est un groupe. Ve'achayot ha-kodesh, c'est un autre groupe. Chacun, il a son travail là-bas, avec Hachem là-bas. Em tamid betnoa shel ratso veshov. Et toujours ces groupes-là d'anges, ils sont toujours en mouvement continuel de ratso veshov, d'aller à la source et de revenir. D'aller à la source et de revenir. On va expliquer maintenant c'est quoi, quelle source et d'où on revient. Ratso aenu ze shem nimshachim bemerutze lemekoram aeloki. Et il explique maintenant, ratso c'est quoi, je vais à la source. C'est-à-dire qu'ils sont, ils se trouvent toujours à vouloir aller à la source d'Hachem. C'est-à-dire, c'est qui les a créés? C'est Hachem. Eux, ils veulent toujours retourner à Hachem. Ils veulent toujours rester avec Hachem. Mishtokekim, les Kalel Bo. Et ils ont un désir ardent de s'assembler, de se mettre, de faire qu'un seul, pas de faire qu'un seul, les Kalel Klalout. Ils ont un désir ardent d'être toujours avec Hachem, de toujours être, faire partie d'Hachem. C'est-à-dire faire partie, d'être avec lui dans l'essence même de leur création. Mais Chamat Asagatam Begadul Ta'el, parce que eux, ils ont une compréhension, une vision, c'est-à-dire une compréhension de la grandeur d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté. Et c'est eux-mêmes qui le servent, qui le servent. Donc c'est pour ça. Donc ils veulent toujours rester là-bas. Ils veulent pas revenir à leur endroit. C'est quoi leur endroit? Veshov, il explique. Mashmaru she'em shavim lemekomam kede lemaale et pekudatam veleshluchotam. Et il dit, et ils doivent revenir maintenant à l'endroit où Akadosh Baruch Hu les a mis pour pouvoir faire leur alors à l'endroit où les amis pour pouvoir remplir leur mission et tous les commandements qu'ils ont reçus d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Hachem il les a pris d'un endroit qui était à côté de lui. Donc ça c'est ratso, le ratson, on dit toujours c'est un vouloir, c'est un je veux. Il y a en ratson davar omed lifnei ratson, il y a rien qui tient devant la volonté, voilà. Ils ont la volonté toujours ardente, le désir ardent d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas qu'ils viennent. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné une mission, il les a mis à un autre endroit. Et ça, c'est le shov. C'est-à-dire revenir maintenant, aller, va, retourne. Tu vas prendre les forces à la source, qui est Hachem, et tu retournes là où Hachem il t'a mis pour pouvoir, là où il t'a commandé d'être, et pour pouvoir faire ta shlichut. Ta shlichut, ça peut être plusieurs shlichut, ça peut être plusieurs, travail que Hachem il leur a donné, il a des commandements. Vechen ou be'adam, les mata. Et c'est exactement la même chose, ce concept-là, il marche exactement la même chose chez nous. Comment? Chez Akesher ve'it trabrut, chez l'or, im elokut ou aliede ratso veshov. Et nous, les Bnei Israël, Baruch Hashem, on a cette connexion avec Kadosh Baruch Hu, grâce à notre Neshama Elokit, qui veut toujours retourner à sa source, qui est Kadosh Baruch Hu. Mais il y a toujours le gouffre qu'on avait expliqué, la Neshama Behemit, qu'elle, elle veut toujours empêcher, elle veut rester dans ce monde, elle veut profiter de ses plaisirs de ce monde. c'est pas interdit, mais je veux dire, la Neshama, elle, elle a rien à voir avec ce monde. Elle veut pas, elle veut rester là-bas. Elle veut être Hatsor, elle veut retourner là où elle était, là où elle a été créée. Et non, le gouffre, lui, c'est Chauve. Il revient dans ce monde. Il revient quoi? Il a appris que la Neshama, elle a pris des forces. Elle doit lui donner les forces au corps pour pouvoir accomplir le vouloir d'Hachem. C'est-à-dire comme les Melachim. Et il dit comme ça, et il continue, c'est exactement la même chose. Ratso, i, ahava, ve'et chuka. Et c'est quoi le ratso chez l'homme? Chez l'être humain, chez nous? C'est l'amour et le désir ardent, l'ivroir, de se détacher, de se détacher de notre corps et de notre âme animale qui nous empêche de faire la avodat Hashem. Vekebli agdarot aolam les klal be'akadosh baruch hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut pas, on veut que si on pouvait. Des fois, on fait une mitzvah. Des fois, on fait une mitzvah. Et ben, on se sent bien dans cette mitzvah. Pourquoi? Parce que on a enlevé ces metzarim, ces limites, ces limitations, ces barrières là qui nous empêchent de faire ce que Hachem il nous a commandé vraiment. Et ça vient de la Neshama Elokit. La Neshama Elokit, c'est ça qu'elle veut. Et dans ce monde-là, Baruch Hashem, on a la possibilité, nous, notre goût physique, de faire la même chose que la Neshama Elokit, c'est-à-dire d'établir une connexion entre le haut et le bas dans ce monde-ci. Et c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que nous, c'est ça qu'on veut, le Ratso, on veut se détacher de ce corps matériel pour pouvoir faire que la Vodat Hashem. C'est là où on se sent le mieux. Mais des fois on le sait pas, parce qu'on est, des fois on est un peu perdu, on est dans une situation où on est voilé, on est léthargique, on sait pas, il y a plusieurs situations. Mais dans ce cas-là, c'est ça le ratso. On veut s'associer à Kadosh Baruch Hu. Bebechinat kalul anefesh. Kalut anefesh, excusez-moi. Bebechinat kalut anefesh. Et ça, c'est un aspect d'envelopper de kalut anefesh, ça veut dire de s'associer avec, d'associer son âme animale avec l'âme divine et pour pouvoir servir Hachem. Tout ça, c'est le but qu'on a essayé. Ve'elu shov. Et maintenant, c'est quoi le shov chez nous, chez les Bnei Adam? Chez les Bnei Israël, Mashmaou la Shov al Aolam Azé. Vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, comme la traduction le dit, Shov revenir dans ce monde-là, et vivre dans ce monde-là, parce qu'Hachem, il nous a mis dans ce monde-là, le monde, il existe, il y a les nouvelles, il faut payer les factures, il faut élever les enfants, il faut se marier, il faut faire des Torahs. Malgré tout ça, il faut quand même faire la Torah et les Mitzvot, il faut faire quand même. Et c'est ça la grandeur qu'on a, la différence qu'on a entre les anges et les hommes. Et les Bnei Israël, c'est ça. Donc, la Shov, Mashmaou, la Shov, ala olamazé, les Shavet, Yetzara. Et pour pouvoir, les Shavet, Yetzara, de revenir à sa création, les Kayem, Baolamazé, et Tachlit kavanat abriya la sot lo idbarar dira batartonim dafka. Et il dit, et c'est ça tout le but de l'être humain ici, de l'homme, du Bnei Israël, de venir ici dans ce monde-là et de faire en fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et quand on fait ça, on construit une maison ici en bas dafka. Justement pour Akadosh Baruch Hu, en sanctifiant son nom. C'est-à-dire chaque mitzvah qu'on fait, chaque Torah, chaque parole de Torah qui sort et que chaque bonne action qu'on va faire, c'est sur le nom d'Hachem, c'est sur le compte d'Hachem. Les gens, quand ils voient, ils disent ça, c'est Hachem. C'est ça qu'ils doivent voir. Ils doivent pas voir autre chose. Ils doivent pas voir leur... Les gens qui vous voient faire ça, une mitzvah comme ça, ils doivent dire, ah, bon, Hachem, ça c'est grâce à Hachem. S'il avait pas commandé, il avait pas donné la Torah dans ce monde, il y aurait pas tout ça. On n'aurait pas fait ça. Même la personne qui fait une mitzvah, elle doit se dire, Baruch Hashem, il m'a donné la Torah, et il m'a commandé de faire cette mitzvah. Parce que, il y a plusieurs niveaux dans la mitzvah. Ça, c'est un autre cours en soi qu'on va expliquer un peu plus tard, Bezat Hashem. Concernant les niveaux de mitzvah, il y a des mitzvahs On va pas rentrer dans ça maintenant. On expliquera un peu plus tard. Mais en tout cas, tout le but, c'est ça. C'est de construire une maison pour qu'Hachem y réside dans ce monde. Et comment on fait ça? Avec la hava et la tchouka, l'amour et le désir ardent de se connecter à Hachem. Comment? En faisant Torah Mitzvot, en faisant du chesed, en faisant plein de choses, Bezat Hachem, et tout en vivant dans ce monde-là, malgré toutes les limitations qu'on a autour de nous dans ce monde, eh ben non, il faut se détacher de ça, même mentalement, et accomplir physiquement dans ce monde-là la volonté d'Akash Bokhu. C'est ça qui veut dire Vekemo, alors on continue Vekemo, Ken, Pessar, ou Bechinat Ratso, Veshvot, ou Bechinat Shov. Et il dit exactement c'est ça. La fête de Pessar, la sortie d'Égypte, ça c'est quoi? C'est Ratso. C'est moi, mon corps, mon âme, elle veut retourner à sa source. Elle en a marre de l'Égypte, elle veut plus. Elle veut plus vivre comme ça avec la Vodazara, avec les statues, avec la magie noire, avec toutes ces choses-là, et toutes les bêtises de ce monde et tout ça. Non, elle veut retourner à Kadosh Baruch Hu. Et Shavuot, Matan Torah, donc le don de la Torah, c'est quoi? C'est justement ça. C'est Shav, je reviens dans ce monde-là avec quelque chose, avec un ustensile qui va pouvoir me permettre justement d'avancer. Et c'est quoi? C'est la Torah. Vezoi gam benekudat abiur ketzad pesar veshavuot em chativa echad. Et c'est pour ça qu'on a dit dans le point essentiel de cette explication. Comme Pessah et Shavuot, c'est une chativa echad, c'est une seule unité. Sheken kol inyan yetziat mitzrayim, Pessah et Matan Torah, Shavuot, ou yetzirat akesher ben bene Israël im HaKadosh Baruch Hu. Et il dit, comme on a dit que Pessah et Shavuot, c'est une seule entité, c'est une unité. Alors, exactement, la sortie d'Égypte et le don de la Torah qui est Shavuot, c'est une yetzirat akesher ben bene Israël im HaKadosh Baruch Hu. C'est une création d'un lien et d'une connexion entre les bene Israël, entre nous et HaKadosh Baruch Hu. Vekesher zeh ou beshnei shlavim. Et ce lien-là, il a deux aspects. Des ratso veshov. Et ces deux aspects, c'est quoi? C'est d'abord, je vais à la source, ratso, donc Pessah. Veshov, Shavuot, je reçois la Torah. Je reviens dans ce monde. Pessah yetziat mitzrayim inyane ratso veshavuot zman matan toratenu inyane shov. Voilà, jusqu'à maintenant on a compris qu'est-ce que ça voulait dire Pessah, qu'est-ce que ça voulait dire Shavuot plus ou moins. Et Bezat Hashem, on va voir un peu, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête ici? Laissez-moi voir 2 secondes. Oui, on va continuer le point, il reste quelques lignes, et demain, Bezat Hashem, on continuera on va rentrer après dans une autre chose. Alors, on continue. Et en fait, il continue, en fait, à expliquer ce qu'on a expliqué. Parce que je l'ai déjà lu, c'est pour ça que je l'expliquais. Ok. Qui Pessah ou Yetziat Mitzrayim Sheu Bechipazon. Et on avait expliqué que les Bnei Israël ils sont sortis avec hâtivement, vite, d'Égypte. Kemo She'amar Ve'achaltem Oto Bechipazon Ve'ktiv Bechipazon Yetziat Yotzet. Et comme il est écrit là-bas, Bechipazon avec hâte, vite, on est sorti. Betevat Chatzo. Yesh shne pirushim. Et dans le mot ratso, c'est-à-dire revenir à la source, il y a 2 pirushim, il y a 2 explications. Le premier, milashon ratson. Le premier, qui veut dire, comme on l'avait expliqué, l'hébreu, il est très, très technique. Et le hébreu, c'est pour ça qu'on appelle lashon akodesh. La langue pure, la langue kodesh, ça veut dire Kadosh Baruch Hu, il a mis ses forces, comme on dit, on verra un autre cours sur ça, sur les lettres de l'alphabet hébraïque, sur la Torah elle-même, comment Hachem il se dévoile dans les lettres, c'est très incroyable, parce qu'il a mis même son nom dans les lettres pour qu'elle puisse, pour qu'on puisse, à chaque fois qu'on dit des lettres, on puisse sanctifier Hachem. Ça, c'est un autre cours. En tout cas, il dit, mais la shon ratson, c'est un langage de volonté. Ratso, ratson. C'est un langage de volonté. De volonté de quoi? Aïnou, a ratson, ve, tchoukat, le karev, le lokout. Et c'est ça qu'on avait. En Égypte, on avait cette volonté et ce désir ardent de se rapprocher d'Hachem. Et la deuxième explication, mais la shon ritza. Ça, c'est un langage de ritsa, de courir vite, de s'empresser. Zotomeret, ce qui veut dire, shetchuka zo i betokev gadol beoter. Et ce désir ardent, dans le sens de ritsa, c'est-à-dire je m'empresse, elle est encore plus frappante que le premier. Que Adam ratz bechol kochot nafsho kede leasig davar sherotze ba meod. Pourquoi? Parce que l'homme, il va courir de toutes ses forces de son âme, de son nefesh, de tout, afin de pouvoir se connecter à Hachem lui-même. D'avoir Shirotse Bomerod, c'est quelque chose qu'il a envie tellement, qu'il va courir, il va casser des barrières, il va casser des murs. Comme un enfant, par exemple, vous lui montrez un jouet derrière une vitrine. L'enfant, s'il est très jeune, même qu'il soit très jeune, il va chercher pendant le temps qu'il faut pour pouvoir rentrer, pour pouvoir attraper ce jouet. Et s'il n'arrive pas, il va commencer à crier, à pleurer, à se jeter par terre. Comme moi quand j'étais petit. Et comme mon fils aujourd'hui. C'est la même chose. Les enfants, c'est comme ça. Exactement pour nous, quand on était en Égypte, c'était la même chose. On voulait tellement la chose sortir qu'on était hâte, on avait hâte, vite, avec empressement, on a pris une... vite, rien qu'on sort. Vekar aya betziat Mitzrayim, et c'était ainsi que s'est passé la betziat Mitzrayim. Chez Béni Israël Yatsu, Bechipazon Meheretz Mitzrayim, que les Béni Israël, ils sont sortis avec empressement d'Égypte. Chez Tochenu Apnimi, chez la Chipazon Zeu Otsema Tchuka, chez le Béni Israël, la Tzet, mais Tumat Mitzrayim, Leit Karev et Akadosh Bohu Keinyan, Ratso Melachon Ritza. Et il dit, c'est ça. Que l'intérieur de nous, ce qui veut dire notre neshama elokit, et même notre nefesh, c'est ça le chidouche un peu ici, c'est parce qu'il utilise le mot nefesh. Nefesh, qu'on avait expliqué, c'était les sept midot, c'était les sept attributs, les sept traits de caractère, que même ça, eux-mêmes, ils en pouvaient plus de toute cette touma. Ils ont dit non, vite, on veut sortir, à tel point qu'on s'empresse de sortir. Pourquoi? Et pour pouvoir se connecter à Hachem, et ça c'est la base, l'essence, le Otsem, la base de tout ce désir ardent que les Béni Israël ils avaient de sortir de cette Touma qui était en Égypte et pour pouvoir se rapprocher d'Hachem et se connecter à Hachem. Et ça c'est tout ça, le deuxième explication de Ratso, Milachon, de langage Ritza, de courir, de s'empresser de sortir d'Égypte. Bon, pour aujourd'hui on va arrêter, parce que après on va commencer une nouvelle, on n'a pas fini Baruch HaShem, mais c'est un Mahamar qui est incroyable, on a presque fini, encore un autre cours, et Baruch HaShem on passe à un autre Mahamar. Alors, Béat Hachem, on se retrouve demain et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Et Béat Hachem, faites passer le message, faites passer ces shurim de Chassidut, tout celui qui dévoile la Chassidut de Béat Hachem dans ce monde. Ashrelo, et Béat Hachem, c'est ça que voulait l'Admoazaken, c'est faire passer le message et faire passer, dévoiler la Chassidut à tous les Juifs pour qu'on puisse amener Mashiach, c'est ce qui nous, Béat Hachem, Béat Hachem, Amen, Kinyaratson.